La poussée russe Soyuz a décollé. Pour 5770 septième mission, la poussée russe Soyuz s'est lancée aujourd'hui avec succès à 12h30 du centre spatial Guyana de Kourou.